La liberté de manifester n'est déjà plus un droit à défendre, mais à reconquérir. C'est un texte de Julien Salingue paru sur son blog Résister à l'air du temps, qu'il a publié le 7 mai 2019. La manifestation parisienne du 1er mai a été l'occasion pour le pouvoir de franchir un nouveau cap répressif. Une ville en état de siège, près de 18 000 contrôles préventifs et des techniques de maintien de l'ordre qui apparaissent de plus en plus comme étant destinées à dissuader quiconque de revenir manifester, défiler dans la rue. À Paris et ailleurs, beaucoup se posent la question : pourra-t-on encore demain manifester en France ? Si la question peut paraître provocatrice ou excessive, elle est bel et bien dans l'air du temps, et l'on ne peut guère douter de la sincérité de celles et ceux qui se la posent, et des craintes bien réelles que ressentent un nombre croissant de gens qui n'osent plus descendre dans la rue, alors que dans un autre contexte, ils et elles viendraient grossir les rangs des manifestations du samedi et des autres défilés revendicatifs. Contrôle préventif, violence policière, utilisation d'armes mutilantes, condamnation judiciaire, législation anti-manifestation, force est de constater que ces éléments ne font pas que s'additionner, mais forment, ensemble, un système cohérent, dont la finalité, malgré l'affichage sécuritaire, n'est autre que de décourager le plus grand nombre de participer à des manifestations. Quelque chose a changé. La répression des manifestations n'est pas nouvelle. Mais les transformations qui se sont opérées ces dernières années, notamment depuis l'instauration de l'état d'urgence en novembre 2015, sont spectaculaires. À Paris, et dans bien d'autres villes, il semble ainsi bien loin, pour ne pas dire révolu, le temps des manifestations familiales du 1er mai, où l'on pouvait défiler sans risquer de se faire gazer ou charger à chaque instant, et où les stands des organisations politiques étaient des endroits où l'on pouvait se retrouver, se restaurer et discuter, et non des lieux de refuge précaires face aux agissements violents des policiers et gendarmes. Quelque chose a changé. L'autoritarisme est en marche, n'en déplaise à ceux qui nous répètent chaque semaine sur les plateaux des chaînes d'information que la France est une démocratie et qu'il ne faut pas tout mélanger. On a parfois peur, ou honte, de se le dire, notamment lorsqu'on est militant et militante. Mais il n'y a aucune raison de ne pas l'affirmer. La répression des manifestations a atteint un niveau sans précédent depuis le début des années 1960. Et pour le formuler autrement, la quasi-totalité d'entre nous n'a jamais connu ça. Et ça fait peur. Et lorsque l'on regarde le chemin parcouru ces 5 dernières années, on ose à peine imaginer ce que pourrait être la situation dans 5 ans si le rouleau compresseur n'est pas stoppé. J'ai cru qu'il voulait me tuer. Nous ne pouvons pas bouger et nous prenons de plein fouet la pression de la foule tentant d'échapper aux coups de matraque. Soudain, je sens et j'entends ma cage thoracique craquer. Je hurle, je pense que je vais mourir là, écrasé par la foule, à cause de cette stratégie policière et criminelle. On voulait juste éviter de se faire gazer, de se prendre des projectiles. C'était complètement fou. Tout le monde voulait échapper à ce que faisaient les forces de l'ordre. Je n'ai jamais eu aussi peur dans une manifestation. J'ai déjà vécu des moments difficiles en manif, mais pas à ce point-là. J'ai cru qu'ils voulaient nous tuer. Les témoignages recueillis par Bastamag après la manifestation du 1er mai à Paris sont éloquents. Des milliers de personnes ont été prises dans une nasse géante que les forces de répression ont, petit à petit, resserrée, gazant et matraquant à tout va, semant la panique et contraignant les gens à trouver refuge dans des commerces, dans des halls d'immeubles ou dans la cour de la Pitié-Salpêtrière. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, les récits et les vidéos affluent depuis Paris, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg, Lyon, Marseille, Rouen, qui confirment que nous sommes confrontés à une politique nationale, coordonnée, assumée par le pouvoir. Une politique violente, à l'image de brutalité des contre-réformes d'un gouvernement pour qui l'anéantissement des droits démocratiques est le corollaire logique et même, dans une certaine mesure, la condition de possibilité de la déstructuration et de la destruction des droits sociaux. Crier au loup avant d'être dévoré. Lorsque les fascistes reviendront, ils auront le parapluie bien roulé sous le bras et le chapeau melon. Ainsi s'exprimait George Orwell au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pour avertir que l'histoire ne se répète jamais à l'identique et que le fascisme, à l'instar de bien d'autres courants politiques, pouvait tirer les leçons du passé et muter, au moins en apparence, pour se démarquer formellement d'un héritage peu glorieux, tout en conservant l'essentiel de ses caractéristiques. Il en va de même de l'autoritarisme, qui n'a pas besoin, pour se développer, d'instaurer le régime du parti unique, de mettre en place une police politique ou de jeter en prison l'ensemble de ses opposants. Le pouvoir macronien ne peut évidemment pas être qualifié de fasciste, ce qui reviendrait à considérablement relativiser les singularités du fascisme et autres, et notamment son obsession de la régénération nationale et de l'élimination des dégénérés. Mais l'affirmation selon laquelle en France, comme dans bien d'autres démocratie occidentale, l'autoritarisme est bel et bien en marche est aujourd'hui difficilement contestable, à moins de vouloir s'accrocher à la métaphore oxymore des dérapages systématiques, ou d'oublier que la frontière entre quantité et qualité n'est pas étanche. L'autoritarisme se traduit notamment par la primauté de l'exécutif et la restriction des libertés politiques, nous apprend le dictionnaire Larousse. Une définition certes incomplète et peu dynamique, mais qui décrit une réalité dont les ressemblances avec le macronisme ne sont pas purement fortuites. Mensonge d'État. La multiplication des mensonges d'État au cours des dernières semaines est symptomatique de cette tendance. Là encore, dira-t-on, rien de bien nouveau. Mais on ne peut manquer de relever que, du cas de Geneviève Le Guay à la récente affaire de la Pitié-Salpêtrière, la récurrence de la dyade négation des violences policières, inversion de la culpabilité, n'est pas accidentelle. Confronté aux évidences, le pouvoir nie, le pouvoir ment, en conscience et effrontément, symptôme de sa crainte de laisser apparaître la moindre faille et surtout succession de réitérations quasi pavloviennes de sa solidarité inconditionnelle avec un appareil répressif duquel il est de plus en plus dépendant. Et l'on ne s'attardera pas ici sur cet autre indice qu'est le recours de plus en plus fréquent à une rhétorique toute orwellienne, par laquelle la guerre devient la paix, l'esclavage la liberté, l'ignorance la force et la répression la protection. Le développement de cet autoritarisme du XXIe siècle n'est pas un accident de parcours. Répression policière, attaque contre la liberté de la presse et offensive contre les droits démocratiques font système et sont un élément structurant du macronisme. Comme le soulignait Romaric Godin, la conviction de Macron et de ses proches de détenir la vérité en matière économique, à savoir la nécessité de briser les compromis du passé et de soumettre le pays pour son bien à l'ordre économique, couplée à la faiblesse de leur base sociale, légitime en effet à leurs yeux un contournement, voire une destruction, des cadres démocratiques. Puisque le président de la République connaît la vérité, sait qu'elle est la bonne voie pour la France, il a le devoir, pour le bien de la France, de mener le pays dans cette voie, contre le désir du pays lui-même. Il faut faire le bonheur de son peuple malgré lui. C'était une citation. ni fatalisme ni relativisme. Il y a quelque chose de pourri dans le royaume de France. La bonne nouvelle, c'est que des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes l'ont compris, qui refusent de tolérer l'intolérable, de plier face à la répression, de céder face à la stratégie de terreur du pouvoir. En retournant chaque semaine dans la rue et ou en continuant de dénoncer les violences policières et la politique ultra-répressive du gouvernement, ils et elles font passer un message indispensable. Nous continuerons de revendiquer, vous ne nous ferez pas taire. Mais le danger est bien là. Celui où l'incorporation individuelle et collective de ces franchissements de cap et partant de la normalisation de l'intolérable. Ces processus sont malheureusement connus, par lesquels ce qui hier encore nous semblait inimaginable devient petit à petit une norme, qui certes nous révolte, mais une norme quand même. Sans tomber dans le fatalisme, il convient donc de combattre toute forme de relativisme. L'intolérable est là. Il y a urgence à ce que syndicats, associations, partis, collectifs, groupes de gilets jaunes et bien d'autres encore s'unissent pour enrayer cette machine infernale. Pour la liberté de manifester, qui n'est déjà plus, aujourd'hui, un droit à défendre, mais à reconquérir, avant qu'il ne soit vraiment trop tard. Voilà, c'était un texte écrit et publié par Julien Salingue sur son blog Résister à l'ère du temps, en tout petit tout attaché, .blogspot.com, ce mardi 7 mai 2019.